Bosco Douimane. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 14 juin 2019. Voici son architecture. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo est arrivé à Bujumbura cet après-midi pour une visite de courtoisie. Mais rien au filtre pour l'instant de l'entretien qu'il a eu avec son homologue burundais Pierre Nkurunziza, venu l'accueillir lui-même avec quelques membres du gouvernement. Alors que 8% seulement de Burundais exploitent le numérique à travers le téléphone et l'Internet, la mise à jour de la loi régissant les télécommunications s'avère nécessaire, telle qu'exprimée dans une réunion de sensibilisation sur la connectivité et l'inclusion numérique. 20 personnes sont déjà guéries sur les 25 qui étaient hospitalisées à cause du choléra. En mairie de Bujumbura, le ministre de la Santé nous donnera d'autres précisions. Dans la chronique environnement, à la fin de ce journal, un expert nous parlera de l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre au Burundi, surtout par l'utilisation massive des arbres comme bois de chauffage. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo est arrivé à Bujumbura cet après-midi. Il a été accueilli par le président de la République lui-même avec différents membres du gouvernement. Il s'agit d'une visite de courtoisie qu'il effectue sur invitation de son homologue burundais Pierre Nkurunziza. Nos reporters ont pu remarquer une présence massive de ressortissants congolais en liesse venus l'accueillir. Sachez que rien ne filtre pour l'instant sur le contenu de leur long entretien qu'ils ont eu en tête-à-tête à l'aéroport international de Bujumbura. D'après nos sources, le président Félix Tshisekedi devrait rentrer sur Kinshasa dans la soirée. Parmi les 25 personnes qui étaient hospitalisées à cause du choléra en mairie de Bujumbura, 20 sont déjà guéries. Lors d'une conférence de presse ce vendredi sur l'état des lieux de cette maladie, le ministre de la Santé publique, Tadendi Kumana, a également fait savoir que l'on envisage procéder à la pulvérisation des eaux des rivières et du lac Tanganyika qui contiennent des microbes du choléra. On l'écoute. Nous avons un cumul actuellement de 25 cas et en provenance de Busoro dans la mairie de Bujumbura, dans la zone Kanyosha. Les 25 cas ont été hospitalisés, pris en charge gratuitement. Actuellement, nous avons observé 20 cas guéris, donc sortis indemnes. Et nous avons mis en place des actions concrètes, notamment la pulvérisation, la stérilisation des ménages de provenance de ces patients, la sensibilisation des ménages et de la population pour observer les 10 mesures d'hygiène, mais aussi la réouverture des robinets publics qui étaient fermés. Parce que nous avons constaté qu'à Kanyosha, tout comme à Rugombo, il y avait un problème d'eau potable. Et nous avons procédé à l'approvisionnement en eau potable avec la collaboration de la police et de l'UNICEF, où nous avons installé les bladés dans les zones citées et qui sont à la disposition de la population pour que cette dernière puisse approvisionner en eau potable. Mais qu'à cela nous tienne, nous interpellons la population à observer les mesures d'hygiène, mais aussi à utiliser les latrines à bon escient et à éviter de consommer l'eau des rivières. Et parce que nous avons fait une étude qui a confirmé que les vibrio cholerae se trouvent dans les rivières qui se versent dans la Rusizi et dans le lac Tanganyika. Mais aussi au niveau du lac Tanganyika, il y a des vibrio cholerae. Alors, compte tenu de cette situation, nous avons approché l'OMS et Gavi et Genève pour pouvoir nous procurer les vaccins contre le choléra qui pourront être utilisés dans la région de Limbo pour pouvoir protéger la population. Le ministre de la Santé indique également que plus de 2000 personnes ont été dépistées positives au paludisme et mises sous traitement ces derniers jours grâce aux cliniques mobiles et que les statistiques de la semaine dernière montrent une diminution de 50% des cas de paludisme. Suivez-les encore une fois. Effectivement, dans cette période, on a observé un changement climatique, mais aussi un changement démographique en fonction du mouvement de la population, mais aussi des activités de développement, notamment les riseries qui sont étendues à travers tout le pays, dans le nord, au centre, mais aussi les piscicultures. Cela a fait que, grande pluviosité, a fait qu'il y a une augmentation des moustiques. Nous avons déjà recruté 360 prestataires qui vont travailler dans les sites avancés. Et cela a fait qu'on est à un nombre élevé de cas, ce qui n'est pas mauvais, parce que si la 22 semaine, nous avons observé plus de 282 993 cas qui ont été dépistés et mis sous traitement. Et actuellement, ça commence à baisser puisque la 23e semaine même montre que nous avons dépisté et mis sous traitement 198 163 cas de paludisme, soit une diminution de plus de 52%. On avait constaté qu'il y a pas mal de cas qui n'arrivent même pas au centre de santé. Et nous allons continuer ce site avancé et pour pouvoir découvrir la population et tout en sachant qu'il y a d'autres mesures qui sont en train d'être mises en place, notamment la distribution des MILDA dans les provinces de Changuzo où on a observé beaucoup de cas, mais aussi nous comptons au début 2020 distribuer les plus de 6 millions de MILDA à travers tous les ménages du pays. Il y a aussi la pulvérisation intradomiciliaire qui est en train d'être effectuée dans les districts où nous avons constaté une recrudescence de cas de. Le ministre en charge de la santé publique, Tade Ndikouman, et certains citadins de la capitale Bujumbura ont répondu à l'appel de don de sang à l'occasion de la journée mondiale de don de sang. Une journée célébrée chaque année le 14 juin, aujourd'hui donc. Ces citadins disent que donner du sang, c'est sauver la vie humaine. Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, salue ce geste. À part cet acte de sauver la vie humaine, il précise que l'avantage pour le donneur de sang est de connaître son statut sérologique. Moïse Misak. Ceux qui ont répondu à cet appel de don de sang expliquent que donner le sang équivaut à sauver la vie humaine pour les malades qui en ont besoin. Les citadins rencontrés au centre de transfusion sanguine appellent d'autres donneurs de sang à les rejoindre à cet acte qu'ils jugent louable. On donne le sang pour pouvoir sauver la vie d'une personne. Vous savez que nous sommes dans un pays où certains gens souffrent de la malnutrition, donc ils peuvent manquer de sang et ainsi peuvent perdre leur vie. Et donc, si on le peut, et si donc on est dans les conditions normales, on peut donner le sang. D'ailleurs, on est obligé, si on le peut, de donner son sang pour pouvoir quand même sauver la vie des autres. Moi, j'aime donner du sang régulièrement. Je me présente ici. Mais ce n'est pas cette régularité aussi qui me pousse à donner du sang. Et le sang, je vais sauver la vie, puisque le sang a une valeur incomparable. J'ai l'amour des autres pour sauver la vie des autres personnes. La quantité de sang prélevée pour un donneur oscille entre 350 et 450 millilitres. Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine remercie ceux qui ont répondu à cette activité. Docteur Jean Bosco Ndouarougira explique qu'à part que donner le sang, c'est sauver la vie humaine pour ceux qui en ont besoin, il ajoute que le donneur de sang connaît son état sérologique car, dit-il, ce sang est testé les maladies telles que l'hépatite B et C. Les avantages sont nombreux. Entre autres, vous donnez votre sang, vous sauvez une vie. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un. Deux, quand vous nous donnez de votre sang, nous testons ce sang-là, suivant les marqueurs indiqués par l'OMS, qui sont le VIH, la syphilis, l'hépatite B et l'hépatite C. Ces pathologies sont en train de faire rage dans la population sans le savoir. Il serait intéressant que chacun sache son statut par rapport à ces quatre pathologies. Car il y en a qui sont soignables, il y en a qui peuvent être prévenus et il y en a qui aussi peuvent être traités parmi elles. D'autres centres de collecte de sang dans la capitale Bujumbura ce vendredi sont implantés à la radio Bujia FM et à l'hôpital Mutualité Solis. Cette activité se déroule aussi dans d'autres provinces du pays, à savoir Gitega, Cibitoke, Ngozi et Bururi. Merci Moïse. Et le cadre d'expression des malades, c'est Mabo, se dit satisfait du fait qu'il n'y a plus de carence de sang dans les structures sanitaires au moment où ce 14 juin de chaque année était une journée mondiale dédiée aux donneurs de sang. Sylvain Habanabakize, porte-parole du CEMABO, appelle les Burundais à faire du don de sang en réflexe volontaire. Pour le moment, le CEMABO apprécie l'effort du gouvernement. On est conscient que pour le moment, il n'y a plus cette rupture de sang. Nous demandons au ministère de tutelle de s'équiper et d'avoir une politique qui peut pousser de l'avant, voire pour qu'il n'y ait plus une rupture. Nous demandons à la population de donner le sang parce que donner le sang, c'est sauver la vie humaine. Il faut que la population burundaise ait l'habitude de donner le sang sans toutefois être sensibilisé ou être forcé. Il y a eu dans le temps la rupture des stocks des poches de conservation de sang qui a entraîné le manque du sang dans différents hôpitaux et dans différents centres de santé. Et il y a eu même des gens qui sont morts pour manque du sang. Qu'est-ce qui doit être fait et par qui? Et ça revient au gouvernement. Il faut que le ministère ayant la santé de la population dans ses attributions s'investisse davantage. Il faut qu'il y ait un effort du gouvernement. Le gouvernement doit voir comment établir, si vous voulez, une politique qui pourra quand même contrecaler ces ruptures. Également dans l'actualité, 8% de Burundais exploitent le numérique, dont le téléphone et Internet. Dans une réunion de sensibilisation sur la connectivité et l'inclusion numérique, ce jeudi, à l'intention des parties prenantes, organisée par l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT, les participants ont réclamé la mise à jour de la loi régissant les télécommunications qui ne colle plus à la réalité du moment. Placide Niyomwongere. Dans cette réunion, le directeur technique de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT regrette que la couverture nationale du réseau Internet n'ait pas exploitée suite à la cherté des terminaux et à l'Internet en soi. Nous devons indiquer que la pénétration, l'utilisation d'autres internets est très limitée. Nous l'estimons à 8%. Et puis, l'autre constat, c'est que l'Internet et l'accès est toujours trop cher par rapport au pouvoir d'achat de Burundi. Partie de cette réalité, il y a des applications qu'on ne peut pas faire tant qu'il n'y a pas l'infrastructure. Selon l'expert en développement international Alexis Kugimana, le taux de pénétration numérique qui est estimé à 8% en Burundi est en pas déjà franchi. Mais appelle la législative à mettre à jour la loi régissant les TIC au Burundi, car cette loi ne colle pas avec les réalités du moment. La situation de l'inclusion numérique s'observe par un vide juridique. Il n'y a aucun texte ni légal ni réglementaire qui organise l'inclusion numérique à l'instar des autres pays. Pour certains des participants administratifs, pour faire avancer ce secteur, certains défis doivent être élevés, entre autres le problème d'électricité. Ils plaident pour des formations visant à renforcer leurs capacités pratiques dans le domaine des TIC. Quant à la loi qui date de longtemps, le directeur en charge de la planification au sein du ministère des Télécommunications, Aimé Manuel Nibigira, tranquillise. C'est vrai, et la loi qui a libéralisé le secteur des technologies de l'information et de la communication date de 1997. Il est temps de l'actualiser. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plusieurs projets de loi qui ont déjà été préparés, rédigés. Toutes ces lois sont en cours, suivent le cours normal et seront bientôt présentées au sein du Conseil des ministres afin qu'elles soient promulguées. Entre-temps, le Burundi vient d'introduire sa candidature à l'Union africaine pour abriter cette année le Forum africain sur la gouvernance de l'Internet. En lice, informe le directeur des planifications, deux pays restent sur la liste, dont le Burundi et le Congo-Brazzaville. Placide Niyomwongere. Le ministère de l'Éducation compte répertorier toutes les ONG qui appuient dans le secteur de l'éducation. C'est la directrice générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental qui l'a déclaré ce vendredi au terme d'une réunion de coordination des actions de ces dernières. Janine Ihorihose précise que des mesures seront prises pour les ONG qui ne se conforment pas au plan national de développement. C'est au moment où ce ministère indique que les actions de certaines ONG ne se remarquent pas concrètement. On écoute la directrice générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental. C'était une réunion de coordination, d'orientation des activités, des actions menées par nos partenaires dans différentes structures scolaires. Dans l'objectif de pouvoir rappeler à nos partenaires que chaque fois qu'il faut planifier, il faut chaque fois associer d'abord le ministère, planifier ensemble avec le ministère, toujours tenant compte du plan national du développement, suivant les ODD, du pays, mais aussi suivant le plan transitoire de l'éducation, comme nous sommes au niveau du ministère de l'Éducation. La réunion a abouti, bien sûr, à une solution. La première solution, d'abord, c'est de faire une cartographie de toutes les associations, de tous les ONG qui œuvrent au niveau des écoles ou bien dans des structures scolaires. Après la cartographie de ces associations, de ces ONG, il faut d'abord analyser ensemble avec les techniciens du ministère, que réellement leur planification s'aligne effectivement aux documents respectant les ODD, le plan national de développement, ainsi que le plan transitoire de l'éducation, comme nous sommes au ministère de l'Éducation. Après l'évaluation, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui s'est engagé d'aboutir à un résultat, nous allons soit prendre des décisions après avoir évalué leurs actions, soit de revoir leur manière de travailler, ou bien de changer le domaine, ou bien même d'arrêter, parce que inutile de multiplier les actions sans résultat, sans impact. Le gouvernement burundais envisage la mise en place d'un centre culturel où seront conservées toutes les œuvres culturelles des artistes burundais. C'est le secrétaire permanent au ministère de la Culture et des Sports qui a fait cette annonce ce vendredi lors de la clôture du festival culturel qui avait débuté mercredi à Gitega. Godfried Hakizimana dit que ce centre jouera un rôle important dans la sauvegarde des œuvres artistiques burundaises. Correspondance de Gérard Nibigira. Godefried de Hakizimana, secrétaire permanent au ministère de la Culture et des Sports, a précisé que l'existence d'un tel centre permettra la sauvegarde et la pérennisation des belles danses traditionnelles. Aussi, toutes les œuvres d'art burundaises réalisées par les artistes burundais y seront conservées, a-t-il ajouté. Il a aussi rappelé qu'actuellement, il y a pas mal de jeunes burundais qui ne savent presque rien des éléments de la culture burundaise. À titre illustratif, il a parlé de jeunes Burundais qui ne connaissent pas les métiers de vannerie et de poterie. Toutefois, il a précisé que l'existence de ce centre culturel ira dans le sens du renforcement de la culture burundaise. Il a demandé aux Burundais de ne pas mêler la culture burundaise à la culture étrangère. Celui qui perd sa culture perd son âme. Récolte le drame, a-t-elle insisté. Le secrétaire permanent au ministère de la Culture et des Sports a tenu ses propos ce vendredi à Gitega lors des cérémonies de clôture de 3 jours du festival culturel et de l'exposition vente des objets d'art réalisés par les artistes burundais. Toutes les provinces du pays étaient représentées. En outre, les danses Intore de Kirundo, Agasimbo, de Makamba et les tambours de Gitega ont enthousiasmé le public. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. On termine ce journal par la chronique environnement. Près de 80% de la population utilise les arbres pour le bois de chauffage. C'est Nyengayeng Diomède, expert en atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui le dit. Il met l'accent sur les femmes rurales. Dans certaines provinces comme Makamba et Muramvya, ces dernières parcourent des kilomètres et des kilomètres à la recherche du bois de chauffage. Cet expert propose l'utilisation des foyers améliorés pour diminuer la quantité du bois de chauffage. Christelle Anezigama. Au rythme d'accroissement des besoins en bois suite à l'augmentation de la population, à un certain moment, il y aura pénurie du bois de chauffage. Nyengayeng Diomède, expert en atténuation des émissions de gaz à effet de serre, fait savoir que les études montrent qu'un ménage utilise plus de 2 kg de bois de chauffage par jour. L'étude montre que 89% de la population utilise du bois de feu comme source d'énergie. La ratio est estimée à 2,31 kg par jour et par personne. Cette étude a été réalisée au moment où le bois qui était utilisé était du bois mature. Actuellement, où on utilise de petits bois de brindis et de gaule, c'est tellement que la ratio serait supérieure à celle qui a été estimée vers les années 1994. Avec la diminution des forêts, il y a certaines provinces où les femmes trouvent difficilement le bois de chauffage. Dans la province de Muramvya, vous verrez pratiquement sur la chaîne de Remera. Remera, il y avait un grand boisement de l'État. Maintenant, les arbres qui poussent n'atteignent pas plus de 2 mètres. La province de Makamba, dans la commune Kiwago, il y a des conditions d'Afrique qui ne permettent pas la plantation de certaines essences comme les cactus. Là, ça ne pousse pas. Des provinces du nord comme Kirundo, Yinga, là où il y a de basses températures et des caractéristiques d'Afrique qui ne sont pas favorables à la plantation. Même s'il y a des projets de reboisement, le rythme de déboisement reste élevé. La première solution, c'est d'alléger le fardeau, c'est d'aller chercher du bois. Deuxièmement, c'est de réduire ses dépenses, préserver sa santé. Le foyer amélioré utilise 43% du charbon utilisé par le foyer traditionnel. En ce moment-là, ça me dit que nous avons un gain de 57%, c'est-à-dire une économie du charbon, 57% est économisée. Voilà ce qu'on pourrait proposer aux utilisateurs, aux ménages. Pour cet expert, le gouvernement et les ONG doivent s'investir dans la sensibilisation et l'accès de ces foyers améliorés aux ménages ruraux. Le ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec d'autres ministères impliqués dans le secteur de l'environnement et de l'énergie, ont mis au point des outils d'utilisation. Il y a les outils politiques. Il reste de mettre en place une campagne de sensibilisation qui devait être menée par les institutions étatiques, publiques, comme les ONG, sans oublier les médias. Nyengayeng Diomède affirme que ces foyers améliorés vont contribuer à l'amélioration de vie de la population. Merci Christella Nizigama. Merci également à l'expert en atténuation des émissions de gaz à effet de serre, Nyenga Yenge Diomède, pour ses éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.